Mais vos pauvres pieds, c'est ça qui vous mène ici en Europe. On est les pauvres. On est les pauvres, on n'a pas d'argent. On n'a rien, il y a la guerre. La guerre, la souffrance, la misère, les maladies, les malades, tout. On est malade dans le pays, on n'a pas d'argent pour se soigner là-bas. On veut se soigner ici en Belgique. On veut nous patrouiller notre pays. Pourquoi? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Hein? Ça, c'est le racisme, hein? C'est vrai! I thought that I had something to say. So I just wanted to talk about something that is really serious and that is still going on in some other countries. For example, from where I come from. Did you know that in my original country, if a guy like does anything like sexual harassment or even rape a girl, if a guy rape a girl, his punishment is to marry her. Like, can you imagine this? Yes, it still exists. Actually, she has the choice to accept or refuse. But in most of the times, the family forces the girl to marry the guy. So either he marries the girl as a punishment, either he goes to prison. And there were also a lot of cases where girls in my country and had committed suicide because they didn't want to marry the guy who raped her. So I just think that this is really a serious problem and no one is talking about it. And I would love to see it change someday because we're women, we're human beings with feelings. We're not objects. Like some guys, I know some people see us as like objects and dolls, even in countries like Paris or New York or anywhere else, even at work, women get discriminated because they're women. So I just wanted to say that today. Thank you. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Noémie Dabé. Comme ça a été dit, je triche un peu. Je suis sur tous les bords, c'est-à-dire j'ai la chance. Et en même temps, j'ai la malchance, disons ça comme ça. Donc, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 26 ans. Je suis arrivée en Belgique, j'avais 17 ans. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvée dans la rue, j'avais 13 ans. J'étais enceinte, issue d'un viol. C'est la première fois que j'en parle en public, c'est parce que je suis prête. Et avec l'aide des personnes, je me suis retrouvée en Belgique pour ceux qui ont fait la route, le Burkina, le Togo et tous ces pays, et je me retrouve ici aujourd'hui. Donc j'ai 17 ans quand j'arrive ici, on m'envoie dans un centre, mais je ne me retrouve pas dans un centre pour mineurs, je me retrouve avec les autres. Et donc ce qui fait que j'ai été très rebelle, déjà que je vivais dans la rue, donc on connaît tous le comportement des enfants de la rue. Dans mon pays, surtout dans ma famille, les femmes se doivent de tout faire. Ma grand-mère construisait des maisons. Elle avait des champs de riz, des plantations de cacao, de bananes et de café. Ce qui fait que j'étais très travailleuse. Et quand j'arrive ici, c'est une autre chose. Alors, je vais vous épargner le long parcours. Quand j'arrive au centre, ma demande d'asile, je fais une demande d'asile et une demande de Nafterre et qui a été recevable. Donc en 2011, je devais quitter le centre. Pour ceux qui ont été dans les centres, ils savent comment ça se passe. Quand tu as une carte orange, tu dois quitter le centre et tu dois chercher une maison. C'est à Liège. Il faut chercher l'appartement. Je trouve l'appartement à Bruxelles. Liège qui se dispute avec Saint-Gilles. entre qui va donner la caution et voilà. Mais comme je dis, je suis très chanceuse dans la vie. Je tombe sur une assistante sociale qui s'appelle Laurence Cosy, donc qui fait tout. J'ai la maison. Après 3, 4, 5 refus, donc 5 ordres de quitter le territoire et une interdiction d'être sur le territoire belge pendant 3 ans, je me retrouve dans la rue. Donc je me suis retrouvée dans la rue au moins 7 fois. Et mon aide est coupée. On découvre que je suis malade quand j'arrive en Belgique et aussi que j'ai un cancer du sein. Et donc je me retrouve dans la rue. Je n'ai rien. Une fois de plus dans ma vie, je me retrouve dans la rue. Mais grâce à mon assistante sociale, on réussit à porter plainte au CPS de Saint-Gilles. Donc on se retrouve au tribunal du travail. Et après beaucoup de temps passé dans la rue à la gare du Midi, l'aide m'est enfin octroyée. Donc je me retrouve, j'ai enfin un appartement. Et aujourd'hui, je bénéficie de l'aide du CPS. Donc l'aide médicale urgente et donc j'ai comment ça s'appelle déjà, voilà, le revenu d'intégration, donc j'ai tout ça. Mais le problème aujourd'hui, la sœur Bintou elle s'est levée et comme ma sœur aussi elle a dit, on est au niveau du travail. Mon grand-père disait toujours que il ne faut pas toujours donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre aussi à pêcher. Donc je reviens dessus pour dire mon moral, je prends les médicaments tant que j'ai quelque chose à faire. Je dois prendre beaucoup de comprimés aujourd'hui à vie parce que ça ne va pas encore. Et comme mes globules blancs et tout ça, je vous épargne. Mais ce n'est pas facile de prendre les médicaments, de rester à la maison, de prendre les médicaments, de dire voilà, je suis là seulement pour manger, dormir, j'ai le revenu d'intégration. Ce n'est pas seulement ça qu'on veut. On veut aussi travailler. On veut savoir le pourquoi on vit. Le pourquoi on se lève chaque matin, le pourquoi est-ce qu'on est ici. On ne peut pas, j'ai l'impression d'être encore dans la rue. Si je suis ici, je me lève le matin, je mange, je dois me débrouiller pour manger. Parce que c'est vrai, j'ai le revenu d'intégration, j'ai pas peut-être la chance comme les autres, mais ça ne suffit pas. Parce que quand je finis de tout payer, j'ai 80 euros par mois. Ça ne suffit pas, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas seulement le revenu d'intégration, je veux pouvoir travailler. J'ai eu la chance de pouvoir faire des cours de langue, parce que j'avais jamais été à l'école. J'ai eu cette chance-là. Mais à un moment donné, ça a été stoppé parce que ma carte orange a été retirée et je ne peux pas continuer, je ne peux plus continuer la formation. Quand c'est comme ça, le moral, ça ne va pas. J'arrête le traitement et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, je vous épargne tous les détails. Là, je dois avoir 3000 globules blancs et comme j'ai arrêté le traitement, je suis à 18. Donc, je ne vais pas bien. Mais je ne peux pas reprendre le traitement si je ne suis pas bien, si je ne sais pas pourquoi je me lève chaque matin. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen que le CPS de Saint-Gilles trouve une solution pour nous, les femmes, surtout la femme? Je ne parle pas des hommes. C'est vrai que les hommes aussi sont touchés, mais aujourd'hui, je parle de la femme. Une fille comme moi, comme la sœur l'a dit, au nord, à l'est du Congo, j'ai été violée, j'ai eu un enfant. J'ai perdu ma fille dans la rue, j'ai fait toutes ces routes et je suis là. Mais ce n'est pas pour dormir. Je veux pouvoir savoir le pourquoi je me lève chaque matin. Et c'était tout. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Bintou Touré, je suis de la Guinée-Conakry. Je suis très contente que pour cette soirée, les organisateurs aient pensé à mettre à l'ordre du jour le thème des droits des femmes. Vous savez, quand on parle de ce thème, généralement, je reste silencieuse. Certainement, vous vous demandez pourquoi je reste silencieuse. Ce que les gens ne savent pas, c'est que culturellement, chez nous, la femme n'a aucun droit. Le seul droit qu'elle a, c'est de faire des enfants et de respecter son mari. Cette situation est même en train d'être exploitée par le président Alpha Condé qui veut se maintenir au pouvoir en promettant de faire avancer les droits des femmes. Les mœurs et les coutumes constituent des véritables obstacles d'émancipation et d'épanouissement de la femme en Guinée. Ces diverses situations nous poussent sur la route de la migration pour avoir plus de liberté. Malheureusement, quand on vient ici, dans ces pays qui se disent pays des droits des femmes, nous n'avons pas toujours des droits, car nos droits sont confisqués par le droit du séjour. On ne peut pas travailler, on ne peut pas se former, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'est pas libre. Même ici, dans un pays qui se dit un état de droit, on reste dans les mêmes réalités, comme dans nos pays d'origine où nos droits sont aux mains des décideurs. Au stade où nous sommes, il faudrait que la situation des filles et des femmes sans papier devienne une priorité pour nos décideurs. C'est une situation qui nous étouffe, qui nous détruit tous les jours. La meilleure des solidarités avec les femmes, c'est de dire non à une société qui bafoue les droits des femmes. La situation des femmes sans papier, c'est la tragédie de l'indifférence des politiques. C'est l'expression même du mépris vis-à-vis de l'humain. On ne peut pas s'émouvoir de ce qui se passe ailleurs en faisant ce qui se passe sous nos yeux. En tant que femmes sans papier, nous sommes vraiment installées dans la zone rouge de la souffrance. Je vous remercie. Je m'appelle Sandrine Chibangou. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Levons-nous pour les droits des femmes. J'aime bien le thème que vous avez mis dans l'affiche pour la soirée d'aujourd'hui. Beaucoup de vies seraient sauvées si ça pouvait se concrétiser. Vraiment, il faut le faire. À l'heure où nous sommes ici, partout dans le monde, toutes les minutes, des femmes sont abusées, humiliées, agressées, violées, battues, exploitées, tuées, le plus souvent par les hommes qui les entourent. Dans mon pays, la RDC en général, à l'Est, vous ne pouvez pas imaginer le martyre que subissent les femmes et les jeunes filles. Le droit à l'intégrité, à l'autonomie corporelle est compromis par le viol, qui est pratiqué comme une arme de guerre. Nous avons le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui répare les femmes. Il sillonne le monde pour chercher la solidarité afin d'arrêter cette tragédie. Nous qui avons fui cette insécurité, en venant demander une protection en Europe, laissez-moi vous dire que nous avons soif d'un droit, à l'égalité devant la loi. Aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité. Savez-vous qu'en tant que femme sans papier, j'ai peur de porter plainte même si je suis victime de violences. Et celles qui en subissent ne le disent pas, de peur d'être placée dans un centre fermé. Est-ce normal? Par ailleurs, en tant que femmes sans papier, nous sommes privées de tous les droits, dont le droit de séjour, par exemple, le droit de travailler, ni le droit à la formation, pour ne citer que ça. Si les autorités de ce pays pouvaient imaginer nos parcours et nos vécus, elles ne nous priveraient pas de ces droits qui sont fondamentaux pour tout être humain. Je vous remercie.